fait le malheur, j'étais dans tous mes états. Manda instinct, j'fais comme d'hab. J'fais tout avec le cœur quand je donne. Je compte pas gros. Rien que ça, Marcel. J'ai la tête qui fume, fume, fume, fume. Genoux sur la selle. Dos au bitume, fume, fume, fume. Tu vois la scène. J'viens de Marseille. J'rappe, j'rafale. J'suis dans mon den. J'raconte ma vie. Big tard par la TV. Qu'est-ce qui monte si vite? Sans grand braque, cerveau en vrac, dans l'eau du sport braque. Sans blague, les petits chez moi sans grand braque, cerveau en vrac, dans l'eau du sport braque. J'picole, j'picole, t'étonne pas. J'déconne, j'déconne, mais j'm'y donne pas. J'me perds, je prie, je fais du mal, j'en paierai le prix. Faut se taire, petit, quitte à prendre un commis d'office. Et j'en perds l'appétit, mais je me moque de ce qu'ils pensent. Ils veulent refaire du petit. Ce qu'ils pensent est immense. Oh, je rigole pas. Dis-moi, fais m'étonne pas. Oh, tu m'étonnes toi. Si t'as trahi, t'étonne pas. Ils parlent, je les laisse. Ils me critiquent, je les laisse. Ils me jalousent, je les laisse. Ils savent plus quoi faire quand tout le quartier les délaisse. Casquette, lunettes, j'écoute mes sons dans ma caisse. Si tu nous as blessés, t'inquiète, pour ton te rendra la pièce. Sans blague, les petits chez moi sans grand braque. Cerveau en vrac, dans l'eau du sport.